boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Oh, la Blondie de Giorgio Moroder, pour commencer un pop and rock qui, je l'espère, ne vous laissera pas indifférent. Ce soir, nous retrouverons des habitués comme les Dandy Warhols ou encore Royal Blood, nous écouterons des classiques comme Audioslave ou encore Frankie Goes to Hollywood, nous dégusterons quelques nouveautés comme ma nouvelle pote Emma Sand, et bien sûr, nous gratterons, nous chercherons, notamment du côté de Rouen, pour profiter de We Hate You, Please Die. On est bien dans Pop and Rock sur RVR. Cheers! Million and One de Royal Blood, titre issu de leur dernier album qui peut-être va désarçonner les amoureux de la première heure du duo anglais constitué de Mike et de Ben. Tant mieux, comme ça on s'oblige à rester aware, comme le dirait notre belge préféré. Mais revenons à notre pop and rock pour notre première et peut-être seule triplette du soir, consacrée à un autre duo français celui-là, Hugo et Maeva de Bandi Bandi. Maeva de Bandi Bandi que nous avions découvert il y a quelque temps avec le titre Mo. Ils sont revenus courant 2021 avec un EP dont j'extrais les trois titres de ce soir qui nous feront patienter avant la sortie de leur nouvel album qui doit arriver très prochainement. Far away, far away. And I watch this like an amazing work of art. No belief, one love, no time for one God. In our hand I'd say the same things, my love. And the voices in my head, I have the answer. Live faster, not dying, a fucking cancer. We're choosing our life, and we're choosing our death. It's a celebration day, and babe, I say yes. Siamese Love, deuxième titre du soir de Bandi Bandi. J'ai lu leur dernière interview dans Rock'n'Folk et je dois bien avouer que j'ai dû me forcer pour la lire, tellement autant le journaliste que les deux bandits se prennent la tête, débutant comme des stars finies. Mais pour le moment, fonçons sur le dernier titre du soir des bandits, Tachycardie. Je ne joue plus au même jeu. Hugo et Maeva de Bandi Bandi, qui tout juste arrivés sur la scène rock, se la jouent sortis de mauvais tripes. Je ne vois donc qu'une solution pour les ramener sur terre, une petite virée tranquille avec les Dandy Warhols. Thank you. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé une session de rattrapage pour découvrir un artiste disparu depuis bien longtemps. Il s'agissait du talentueux Elliott Smith qui ce soir renaît quelques minutes le temps de son Miss Misery. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. Vous l'avez compris, dans Pop and Rock sur RVR, on voyage d'un univers à l'autre, des prétentieux bandits au perdu Elliott Smith. On voyage aussi sur les réseaux sociaux grâce auxquels j'ai rencontré virtuellement Emma Sand, qui semblait surprise que je la connaisse musicalement. Du coup, on a échangé par Messenger et elle m'a envoyé Jaw to Jaw qu'on va écouter, auquel j'enchaînerai Son of Man de Emma Sand Group, deuxième découverte du soir dans Pop and Rock sur RVR. To dress a blood curse. découverte du soir dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Reims. Ce soir, c'est Emma Sandgrop. Emma Sandgrop a écouté sans modération, et la bonne nouvelle, c'est que du nouveau devrait arriver mi-2022. Affaire à suivre. Audio Slave, vous vous souvenez ? Yeah. J'espère que tout va bien pour vous parce que la troisième découverte du soir, si elle nous amène à Rouen, risque d'être violente. We hate you, please die, c'est le charmant pseudo des deux gars et deux filles, Joseph, Raphaël, Mathilde et Chloé, qui semblent avoir une mission, nous faire disjoncter. La scène punk rock n'est pas exclusivement Grande-Bretonne, Slave et autres Sleaford Mods vont devoir regarder du côté de Rouen, cité d'origine de We Hate You, Please Die, qui nous hurle à présent Coca-Collapse. Oh, Et petite confidence, allez écouter l'album entier du groupe rouennais We Hate You Please Die, il est franchement au niveau. J'espère que pour l'instant ça va, parce qu'on va se faire maintenant un petit classique, on fonce à Hollywood pour retrouver Frankie, rappelez-vous. Rock se rapproche de sa fin pour ce soir, en tout cas, mais n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, si vous foncez sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock, vous pourrez y retrouver toutes les émissions et les playlists. Et pour celle de ce soir, après Frankie Goes to Hollywood, vous trouverez Pink Turns Blue en session de rattrapage avec le titre After All. Them Pour se quitter, ce sera un petit oldies but goldies, le dénommé Iggy Pop, The Passenger, et sur ce rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous. Shine so bright, a star's made for us tonight.